19-8, activation orale, question d'identification. Répondez selon l'exemple. Je vous entendais. 1. Il y a des apéritifs français? Et vous dites? Qu'est-ce qu'il y a comme apéritif français? Allons-y. 2. Vous connaissez des peintres d'avant-garde? Qu'est-ce que vous connaissez comme peintre d'avant-garde? 3. Vous connaissez des rois de France? Qu'est-ce que vous connaissez comme roi de France? 4. Vous avez fait des sciences naturelles? Qu'est-ce que vous avez fait comme sciences naturelles? 5. Vous faites des études? Qu'est-ce que vous faites comme étude? 6. Vous faites une langue étrangère? Qu'est-ce que vous faites comme langue étrangère? Vous faites du sport? Qu'est-ce que vous faites comme sport?